بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Malheur aux fraudeurs qui exigent pour eux-mêmes des mesures pleines, mais qui trichent lorsqu'ils pèsent ou mesurent pour les autres. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ces gens-là ne croient-ils pas qu'ils seront ressuscités pour un jour redoutable, le jour où les humains comparaîtront debout devant le Seigneur de l'univers? Eh bien, les injustes pervers seront alors inscrits sur le registre de Sijjin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ Connais-tu ce Sijjin? C'est un registre aux inscriptions précises. Malheur ce jour-là aux négateurs qui contestent le jour du jugement. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Renié uniquement par les transgresseurs coupables. Quand on leur fait entendre nos versets, ils disent « Histoire d'anciens ». كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ En fait, leurs cœurs sont assombris par leurs mauvaises actions. كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ Ils seront tenus ce jour-là à l'écart de leur Seigneur. ثم إنهم لصالوا الجحيم. Puis ils seront exposés au brasier. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Il leur sera ensuite dit, voilà ce que vous preniez pour mensonge. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. Quant aux justes, pieux, ils seront inscrits dans le registre de عليين. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. Connais-tu ce qu'est عليين? C'est un registre aux inscriptions précises, dont les témoins sont les proches serviteurs parmi les anges. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Les hommes pieux seront dans les délices. Ils regarderont du haut de leur lit somptueux. On reconnaîtra sur leur visage la fraîcheur de la félicité. Ils boiront d'un fin nectar, bien scellé par le musc, digne objet d'émulation. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. نكتار ملي دو تسنيم, source réservée aux élus. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. Les criminels avaient l'habitude de se gausser des croyants. Lorsqu'ils passaient près d'eux, ils les désignaient avec des clins d'œil et se réjouissaient lorsqu'ils retournaient chez eux. Quand ils les voyaient, ils disaient « Voici les égarés ». Pourtant, ils n'étaient pas chargés de les surveiller. Mais aujourd'hui, ce sont les croyants qui se moquent des impies. Du haut de leur lit somptueux, ils observent comment les actes des impies ont été sanctionnés.